Piste 14. Exercice 3. 1. Salut. Ça va ? 2. À bientôt. À plus tard. 3. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien ? 4. J'aime la France. J'aime le français. J'aime le cinéma.